sans motif. Je vous présente son côté spécial, sans motif. Mes cris derrière du cœur d'une équipe solide et qui dure. Qu'un prier les enceintes, un gros doigt au Tommy. Sans compter sur 12 mm. Local record, un gros doigt au Tommy. Local record. Écoute, c'est sans motif, y'a flux dans tes enceintes. Sache que moi les faux, je finirai par les avoir. Sans motif, y'a flux dans tes enceintes. Je finirai par les avoir. Sans motif, des mythos, y'en a beaucoup. On comprend pourquoi le rap français, je mets la corde au cou. J'ai voyé le blabla, moi je veux une vie clean. Ça se la rate, joue de la flûte, c'est que des piles en vitrine. J'ai voyé le blabla, moi je veux une vie clean. Ça se la rate, joue de la flûte, c'est que des piles en vitrine. Sans motif, Local record, sans motif.